À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, ont eu lieu à Cuba un meeting d'amitié, en Serbie un rassemblement commémoratif et en Hongrie une conférence et une séance de film. Y ont pris part les personnalités et habitants de divers milieux des pays hôtes. À la séance de film, on a projeté un film coréen dénonçant la nature agressive américaine.